Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour et j'ai trop de faiblesse pour te quitter, ma tristesse. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour et j'ai trop de faiblesse pour te quitter.